Pour terminer notre concert de gala retransmis de Munich à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Richard Strauss, vous allez entendre le poème symphonique pour grand orchestre « Mort et transfiguration ». Le titre suffit à faire comprendre le contenu de cette composition. Dans l'introduction, le processus de la mort est représenté d'une façon réaliste par des rythmes marqués qui évoquent les pulsations irrégulières. La partie essentielle reflète ce que ressent le mourant. Pendant qu'il passe de vie à trépas, des réminiscences du passé se présentent à son âme. Mais l'au-delà, la transfiguration, se manifeste aussi dans les motifs. Le corps se cabre une dernière fois et l'âme passe alors à la transfiguration. Vous allez entendre l'Orchestre philharmonique de Munich, interprété sous la direction de Fritz Rieger, Mort et transfiguration de Richard Strauss. Nous vous avons retransmis de Munich, dans la République fédérale d'Allemagne, un concert de gala donné à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Richard Strauss. Vous avez entendu les quatre derniers chants, interprétés par Lisa de la Casa Soprano, ainsi que Mort et Transfiguration. L'Orchestre philharmonique de Munich était placé sous la direction de Fritz Rieger.